Bien heureux sommes-nous, frères et sœurs, d'être réunis aujourd'hui tous ensemble, petites brebis du Seigneur, sous la houlette de notre Seigneur Jésus-Christ, notre bon pasteur. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est le dimanche dit du bon pasteur parce qu'il est absolument nécessaire de nous rappeler souvent que nous sommes bien heureux de connaître le seul, l'unique, le véritable bon pasteur des âmes. Et par la même occasion de reprendre aussi conscience que nous sommes ces petites brebis chéries. Frères et sœurs, il faut bien nous rendre compte combien nous sommes bien heureux de savoir que notre destin ne repose pas uniquement entre nos petites pattes, chétives, chancelantes, mais bel et bien dans les mains d'un autre, et que cet autre est aussi bon et aussi puissant que Dieu lui-même. Malheureusement, je dirais même dramatiquement, notre pauvre monde, épris de liberté, liberté à tout prix, liberté chérie, ne réalise pas à quel point cette liberté qu'il cherche partout ne consiste surtout pas à s'affranchir de l'influence d'un autre qui le dépasse. Bien au contraire. Alors c'est peut-être un paradoxe pour beaucoup, mais c'est pourtant une vérité essentielle. Si nous voulons être vraiment libres, si nous voulons pouvoir goûter pleinement à cette joie de vivre notre vie, de jouir sans entrave de la vie. Je dis bien jouir sans entrave de la vie, vous voyez, je ressors des vieux slogans. Eh bien, il nous faut avant toute chose reconnaître notre besoin naturel d'être conduit et protégé par plus grand que nous, plus sûr que nous, plus puissant que nous. Voyez-vous, frères et sœurs, parmi les slogans de mai 68, il y avait du vrai et du louable, car il est tout à fait sain de vouloir jouir de la vie, de jouir de la vie sans entrave. Mais il y avait surtout une erreur fondamentale et extrêmement grave, celle de croire qu'on pouvait atteindre cette jouissance par nous-mêmes, sans Dieu ni maître. Et à vrai dire, cette erreur n'est pas nouvelle, elle est même vieille comme l'humanité, mais il faut bien reconnaître que jamais elle n'avait rencontré un tel succès dans le champ public. Prenons un petit exemple. Imaginez que vous vous réveillez un beau matin en pleine forme, comme si vous veniez de retrouver votre corps de 20 ans durant la nuit. Et soudain, au saut du lit, vous vient une envie folle, irrépressible, de faire l'ascension du Mont Blanc, pour pouvoir goûter à la joie de contempler le monde à 4806 mètres, puisque c'est la taille actuelle, mais aussi la joie de dompter votre nature, de soumettre à l'effort votre corps, de gravir d'abord les pentes escarpées depuis le nid de l'aigle, en escaladant les rochers, et surtout en grimpant, crampons aux pieds, à partir de l'aiguille du goûter, sur les glaciers qui mènent à la crête, puis au toit de l'Europe. Fort bien, et je vous conseillerais de vous jeter dans cette aventure sans attendre. Mais je vous préciserai, puisque je tiens autant que vous à votre vie, et donc à votre liberté, je vous préciserai de vous faire accompagner par un guide sûr, expérimenté, quelqu'un qui connaît la montagne, comme on dit, mais qui saura surtout vous donner tous les conseils pour vous éviter de vous égarer en chemin, de vous laisser prendre par l'orage et les tempêtes, ou de tomber dans un ravin ou une crevasse cachée. Bref, il vous faudra un maître, et je ne vous laisserai pas partir sans lui. Un maître qui vous conduise et en qui vous serez obligé de mettre toute votre confiance. Eh bien, il en va de la montagne comme de toute notre vie. Nous sommes conçus, que voulez-vous, que nous le voulions ou non, pour escalader toutes sortes de sommets dans notre existence. Parmi eux, le plus essentiel, le seul qui nous mènera vers les verts pâturages du paradis et de la vie éternelle, c'est le sommet de la sainteté. Seulement, voyez, tous ces sommets, et en particulier celui-ci, ils nous dépassent totalement. Il nous faut donc absolument un guide. C'est la condition nécessaire du bonheur, et c'en est même la clé. Le bonheur ne consiste pas, frères et sœurs, dans le fait d'atteindre le sommet tout seul, mais de vivre cette aventure dans la confiance, dans l'abandon même, dans l'amour. Alors à ceux qui doutent peut-être que ce bonheur existe vraiment, ou bien simplement qui ont du mal à réaliser que Jésus est ce bonheur, eh bien Jésus justement propose d'imaginer la scène qu'il vient de nous décrire dans le Saint-Évangile. Un enclos dans lequel est installé un grand troupeau de brebis. Je ne suis pas berger moi-même, mais il m'est arrivé assez souvent d'observer les troupeaux dans la montagne ou ailleurs, et je crois que mon frère ne pourra pas me contredire, lui qui vit dans la montagne, il est le curé d'Embrun. Alors vous voyez, il connaît les brebis, n'est-ce pas? Et les troupeaux. Alors, tu ne me contrediras pas, je pense. Je crois qu'on peut dégager une caractéristique propre aux brebis, pour avoir discuté longuement avec certains de leurs bergers, outre le fait qu'elles donnent du bon lait et de la laine, eh bien c'est qu'elles sont, pour le moins, étourdies. Vous les voyez tantôt prises par le mouvement du troupeau, tout ensemble, tantôt fonçant tête baissée sur toute herbe verte à grignoter. Donc, si une brebis est incapable de quelque chose, c'est bien de se conduire elle-même. Aucun sens de l'orientation, aucune intuition du danger, elle ne se préoccupe surtout ni de savoir où elle se trouve, ni où elle va. Bref, l'image est particulièrement adaptée pour parler de notre humanité quand il s'agit de diriger notre vie vers le bonheur. Alors là, nous, vous voyez, on sait faire des GPS ultra performants, on sait prévoir même précisément le temps qu'il fera pour toute la semaine qui vient, heure par heure. Nous calculons tous parfaitement nos petites affaires économiques à 10 ans, 20 ans même, parfois plus. Très bien. Mais quant à savoir où nous en sommes de notre vie spirituelle, de notre vie intérieure, de notre progrès moral, bref, de notre humanité, tout simplement, vers où nos pensées, nos paroles, nos actes nous mènent. Et là, nous sommes complètement perdus. Nous sommes muets, nous sommes aveugles, nous sommes incapables. Le drame est donc là, nous sommes épris de liberté et pourtant incapables de nous conduire par nous-mêmes. Nous avons en réalité besoin absolument pour être libres de suivre un autre, un pasteur qui nous conduira avec assurance au travers des vicissitudes de l'existence jusqu'au grand pré de la liberté. Il est donc tout naturel de se chercher des maîtres, des pasteurs, et c'est là que nous nous faisons avoir, parce que des pasteurs, des maîtres, des influenceurs, ils en pullulent encore plus aujourd'hui, mais ils ne sont pas tous le bon pasteur. Ils nous mènent tantôt par le portefeuille, tantôt par l'ego, tantôt par le plaisir, le confort, la bonne chair, mais surtout par le désir insatiable d'aimer et d'être aimé. Ces influenceurs extérieurs, eh bien, ils se multiplient aujourd'hui sur les réseaux, bien sûr, ça devient un métier, mais aussi et surtout dans le domaine politique qui bien souvent, pas toujours, au lieu de s'occuper sérieusement des affaires très concrètes de la vie, puisque c'est son rôle, nous servent des idéologies directement sorties de l'enfer. Oui, c'est ainsi qu'apparaissent, ça et là, dans les parlements, des lois ubuesques toutes humaines, à vue ultra courte et surtout diamétralement opposées au chemin divin qui nous est proposé par celui qui gouverne l'univers. Alors, frères et sœurs, il n'est jamais du luxe, et je crois qu'il était temps de nous le rappeler ce matin, à nous qui sommes ici dans cet enclos, dans cette église. Cet enclos sûr et bien gardé que nous n'avons pour notre part, nous rappeler que nous n'avons pour notre part qu'un seul et même unique pasteur, un seul berger, un seul influenceur qui nous parle au travers des évangiles. Et ce berger, c'est Dieu lui-même, en la personne de notre Seigneur Jésus le Christ. Si nous voulons que notre monde, qui est en train de dévisser complètement, il faut regarder les choses en face, hein, notre monde est en train de dévisser complètement et de tomber dans le ravin avec toutes ses lois diaboliques, mortifères. Si nous voulons que ce monde reprenne sans tarder le chemin du ciel, nous devons impérativement supplier notre Père, parce que c'est ça la clé que Jésus a inventée. Supplier notre Père d'appeler en masse deux jeunes hommes à se mettre à son service, à donner leur vie comme le Christ, à se soumettre totalement à son influence, bref, à faire passer leur vie dans la sienne pour pouvoir le représenter auprès de leurs congénères comme le bon, le seul, l'unique pasteur de toute l'humanité. Alors, frères et sœurs, dans cette Eucharistie que nous célébrons ensemble, je vous invite à prier ensemble, aujourd'hui, dans cette messe, pour que de nombreux jeunes se lèvent, dans notre pays, dans notre monde, pour devenir prêtres, et pour participer ainsi au salut du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.